soir sur nous. Que la crème de l'éternel. L'homme est devenu orgueilleux et tellement orgueilleux dans un monde tellement plongé dans le péché qu'on se rend même plus compte de l'orgueil de l'homme. C'est le temps où l'homme se croit le plus fort. Des hommes et des femmes qui croient pouvoir vivre sans Dieu, qui ne se soucient même plus de connaître Dieu. Il y a même des gens qui entendent parler de Dieu et qui arrivent à se détourner de lui. C'est la marque qu'on est dans un siècle où Satan est en rage contre nous. Et c'est un signe des plus forts que le Seigneur est à la porte. Pour juger cette terre, pour que sa colère qu'il a retenue pendant des siècles face au péché de l'homme qui ignore Dieu, qui fait le mal, cette colère elle va tomber sur le monde. Mais qu'est-ce qui la retient? C'est la patience de Dieu. Et Dieu use de patience envers nous pour que tous arrivent à la repentance. Pour celui qui ne croit pas en Christ comme étant Dieu dans la chair, venu sur cette terre, mort sur la croix, ressuscité au troisième jour pour ses péchés, celui qui ne croit pas là-dedans ne peut pas être sauvé. C'est l'enfer éternel, dit la parole de Dieu. Sois sur nous, puis que la crainte de l'éternel soit sur nous. Dynamique FM. Dieu se trouverait-il dans le vaudou ou dans quelque autre cérémonie occulte et traditionnelle que ce soit? Donc non. C'est brut. En fait, c'est pour cela qu'il faut dans toutes les religions, dans toutes les groupuscules traditionnels, on va toujours parler de Dieu. Dans notre langage, on appelle si. En Goa, on va parler de Loba. Chaque fois qu'on va parler de Loba, vous allez si vous traduisez en français, ça sera Dieu. Vous traduisez en anglais, ça sera God. Mais la question, c'est de qui? C'est une question. Ah, d'accord. Lorsque vous allez interroger des Américains, ils vont dire les dieux de nos ancêtres. De quel Dieu dont ils parlent? Est-ce le Dieu de la Bible? Si c'est le Dieu de la Bible, on va commencer à voir si à la lumière de la parole que lui-même il a donnée, instituée, le commandement qu'il a institué, ce qu'ils font est à la lumière de ce que Dieu l'avait. Donc effectivement, dans le cœur humain, se trouvent les ténèbres. Et cette voix-là ne se convertit que lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ vient à toi, te le voile est ôté, tu découvres vraiment la boue dans laquelle tu te trouvais dans le monde. Donc c'est pour cela que toute personne qui m'écoute maintenant, que ce soit président de la République, ministre, quoi que ce soit, gouverneur, délégué, qui que ce soit, sataniste, marabout, Dieu t'appelle à la repentance. À la repentance, parce qu'on doit lui rendre des comptes. Dynamique FM. C'est Jésus le chef suprême de son royaume. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu fasses sonner la terre, t'es déjà près de ton cœur. Dynamique FM. Tu m'aimais avant que je sois. 103.9. Et pour moi tu m'as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne, magnifique chanson d'Adlichen. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM. Magnifique chanson. Vraiment magnifique chanson. David Chien. Oui. Lui seul, il est digne. Le Seigneur Jésus seul est digne de louanges et d'adoration. Quel Dieu véritable. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'est pas la femme qui est au vaudou qui dit qu'elle est Dieu Esprit Saint. Non, non, non, non. En fait, Jésus n'a jamais dit de sa propre bouche qu'il est Dieu comme ça. Il amène avec de l'amour et ses vrais adorateurs le repèrent. Après, parfois quand je vois cette femme, j'ai comme l'impression que c'est une ancienne Bayam Salam qui a été possédée par un esprit impur. Non, que non. Elle, pourtant, c'est une vierge qui a grandi au sein de l'Église catholique et dont l'Église catholique a marginalisé. L'Église catholique a utilisé de cette puissance, mais lorsqu'elle a commencé à dénoncer, là, l'Église catholique a fait volte-face maintenant parce qu'elle proclamait sa divinité et par conséquent, le pape et le clergé vatican comprenaient par là qu'il va falloir maintenant se tourner vers une femme pour se prosterner. Chose que le Vatican n'a pas voulu avaler de si près. Ah, d'accord, parce que moi, quand je la regarde physiquement, j'ai comme l'impression que c'est une vendeuse de piment. Mais il faut avoir pitié d'elle parce qu'en réalité, elle est incarnée par un démon, un principauté terrible. C'est une enfant innocente qui est venu comme ça. Seigneur, pourriez-vous la délivrer de cet esprit impur? Je n'ai pas le pouvoir pour délivrer. Jésus-Christ seul peut délivrer lorsqu'il veut délivrer. Souvenez-vous, dans la Bible, le Seigneur Jésus a dit il y a des choses fracassantes dans la Bible. Il a dit que ainsi, le Père donne la vie éternelle. Ainsi, il a donné le pouvoir au Fils de l'homme de donner la vie éternelle à qui il le veut. Donc, le Seigneur Jésus-Christ donne la vie éternelle à qui il le veut. Personne ne peut demander que s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, donne la vie éternelle à mon Père. C'est pas comme ça. Tandis qu'il est quand même possible qu'elle soit délivrée. Absolument, absolument. Si elle est destinée pour la délivrance, si particulièrement elle n'est pas née fille de la perdition, elle sera sauvée de toutes les façons. Si elle n'est pas née fille de la perdition, parce que ceux qui sont les fils de la perdition et les filles de la perdition iront à la perdition très certainement. Frère Junior, prêtez-nous encore un temps soit peu votre utilité. Je suis disponible à votre service. Ah, d'accord, j'étais à un séminaire de Guy Parfait Sanguet qui se dit envoyé de Dieu. En fait, il dit venez acquérir les clés de l'autonomie dans la guérison et son maintien, et apprenez à être indépendant ou à vous prendre en charge sans l'aide de l'assistance de personne. Mais c'est terrible. Venez au dernier séminaire de l'année 2015 du docteur Guy Parfait Sanguet, l'envoyé du Dieu créateur. En fait, je crois que nous avons déjà eu à dénoncer toutes ces choses-là. Et pour ça, Frère Junior, j'ai recueilli quelques de ses propos. Oui. Peut-être à travers ça, vous nous diriez davantage sur lui. Et peut-être même que prochainement, on pourra l'avoir sur ce programme pour qu'il nous expose en fait sa doctrine. Exact. D'où est-ce qu'il vient, d'où vient sa doctrine? Ah ben, je serais très content. Je vous ai dit d'inviter même cette femme qui se dit Dieu, Kakou Philippe et tous les autres, pour qu'on se réunissent sur ces antennes, qui nous parlent de quoi il est question, qui les a envoyés. Et sur ces plateaux, les prophètes diront si c'est cette femme qui leur a envoyé autre, ainsi que ce monsieur-ci. Je rappelle que ce soir, on verra beaucoup plus l'humanité face au vaudou et autres pratiques occultes dans le monde. Donc, c'est la deuxième partie. La suite de la semaine dernière. Je suis à votre service. Et donc, je vais aller donc illico presto avec la lecture de quelques propos de Guy Parfait Sanguet que j'ai recueilli pendant son séminaire. Oui. J'y étais à Douala-Bercy à 16h. Oui. Et donc, il dit ceux qui sont décédés ne sont pas partis. Oui. De par l'autorité que j'ai reçue, je vais chez les morts, je traverse pour voir l'enfant entre les mains d'une grand-mère. Donc il parlait de l'enfant qui est décédé. Oui. Il disait qu'il est allé chez les morts et il a vu l'enfant qui était décédé et qu'on l'a plutôt pris dans la sorcellerie et qu'il est entre les mains d'une grand-mère. Ça pose problème même déjà de la définition même de la mort. Lorsque les gens meurent, où est-ce qu'ils vont? Dans le séjour des morts. Et le séjour des morts était subdivisé jusque-là, jusqu'avant la venue du Seigneur Jésus-Christ en deux compartiments. Maintenant, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a expié à la croix, il a amené captif le quoi? Tout ce qui était dans la captivité, il les a amenés en haut pour le lieu de repos. Si quelqu'un y va maintenant dans le séjour des morts, c'est quand même terrible. Ça suppose qu'il a la clé. Ah, d'accord. Donc je vais poursuivre. Hein. Ouais. Je rappelle que ce n'est qu'une partie parce que le séminaire durait plusieurs heures et je n'ai pas pu tenir jusqu'à la fin du séminaire. Vous n'avez pas pu supporter. Peut-être j'irai sur son site pour avoir davantage d'informations sur lui. Donc, et pour cela, on l'invitera dans ce programme pour qu'il nous défende en fait l'expo qu'il enseigne. Voilà. Voilà. Il dit, je cite, j'interviens chez les morts. Oui. Quand on vous poursuit la nuit, c'est qu'on est en train de vous vendre. Ce qu'il dit. Le Seigneur m'a enseigné de vous dire que vous devez apprendre à vous défendre vous-même. Wow. Il dit encore, je cite toujours, je suis ici devant vous pour vous montrer la lumière. Il dit encore, dans cette salle, dans la salle de la Bercy où il était, sans publicité, pardon, dans cette salle, il y a plus d'anges que d'hommes. Oui. Voilà, il poursuit encore, il dit, beaucoup de gens ignorent que Dieu accorde l'abondance matérielle à ses enfants. Oui. Il dit encore, les enfants du Seigneur ne sont pas des little, donc des plus petits, ils sont beaucoup plus des leaders. Oui. Il dit encore, la catégorie des anges qui sont dans cette salle sont des soldats. Non, mais vous voyez, Frère Billy, vous voulez m'entraîner dans un autre volet à ce soir. Donc, je préfère que nous gardions cela comme condiment de notre sauce que nous allons préparer sur ces antennes et puis nous poursuivons notre but ce soir. On a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ça commence tôt là. Oui, bonsoir au téléphone. Oui, bonsoir au téléphone. Allô, bonsoir, on vous écoute. Allô? Oui, bonsoir, monsieur, vous êtes en ligne. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, allô? Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous êtes en ligne sur Dynamique FM. Ah d'accord, il est parti. Donc, Frère Junior, on était à citer Guy Parfait Sanguet et sa doctrine. Oui. Alors, j'ai écouté, donc je pense bien qu'on aura affaire à lui la prochaine fois quand on aura... Voilà. Au téléphone, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Voilà, je crois que c'est un petit peu compliqué avec lui au bout du fil. On va donc poursuivre avec l'émission Fait Junior. Oui. Et donc, c'était juste pour introduire un petit peu. Hein. Donc, on a Guy Parfait Songuet qui sera avec nous. On espère bien qu'il répondra à l'invitation. Oui, nous l'attendons. On a aussi l'émission qu'on fera sur la femme qui prétend être Dieu Esprit Saint au Bénin. J'espère qu'il y a aussi son représentant ici au Cameroun. Ce soir, donc, on verra avec vous, mesdames, messieurs, qui êtes... Ce soir donc on verra avec vous, mesdames, messieurs, l'humanité face au vaudou et autres pratiques occultes dans le monde. Deuxième partie, bonsoir et bienvenue. Je rappelle que vous êtes sur Dynamic FM, l'émission c'est que la crainte de l'éternel soit sur nous, tous les vendredis 20h30, 21h50. Vous avez les contacts téléphoniques pour avoir accès à l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers du 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. Je reprends les contacts parce que c'est important. 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. Appel direct ou SMS, on vous attend, on est ensemble jusqu'à 21h50. Frère Junior, oui. La semaine dernière, on n'a pas fini avec les pratiques occultes et les rites traditionnels. Oui. Et vous étiez en train de développer quelque chose sur le documentaire que vous aviez écouté. Oui, cette émission de Philippe Charlier intitulée Bénin aux origines des vaudous. Mm-hmm. Nous avons vu effectivement dans cette émission plusieurs thèmes et vous avez effectivement noté que j'ai pu, en suivant le documentaire, j'ai noté plusieurs autres points, plusieurs points dont nous pouvons développer ici. Ah, nous avons vu particulièrement, puisque c'est un documentaire qui est en vidéo, nous avons vu qu'en plein marché, depuis le 17e siècle, un temple de la divinité appelé Aizam, qui est censé protéger le marché et même le village de la région d'Abomey, est une similitude avec les hauts lieux dans les régions de l'ouest du Cameroun. Nous voyons effectivement qu'il y a des stèles construites dans une maison, dans une maisonnée, effectivement, et on verse de l'huile là-bas, on verse des offrandes. Mm-hmm. Ces constructions donc sont faites et on y verse de l'huile et des offrandes. On voit que cette divinité protège. Voilà, on a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir au téléphone. Je pense que la personne n'a pas de retour. Ah oui, on a quand l'impression qu'il n'a pas de retour. Hein. Et donc, je rappelle, bonsoir au téléphone. Voilà, c'est un petit peu compliqué avec lui, donc on va complètement se détourner de lui et continuer l'émission, mesdames, messieurs. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'éternel soit sur nous. Depuis la semaine dernière, on a traité la thématique l'humanité face aux pratiques occulte et aussi le vaudou. Oui. On a suivi donc à cet effet un documentaire au travers duquel le Frère Junior a retenu plein de points sur lesquels on sera éclairé ce soir. Et je rappelle Frère Junior qu'on avait plusieurs questions à vous poser qu'on n'a même pas encore entamé. On était encore à la première question. Demain, ça veut dire soit vous abordez votre point de question ou bien j'ai souligné ce que j'ai noté là. C'est mieux de souligner. Oui, ok. Donc nous voyons effectivement, prenons la Bible pour voir effectivement ce que la Bible, parce que le but que nous dénoncions ces choses-ci, c'est montrer que en réalité, les gens qui vivent dans ces domaines-là, ceux qui nous occupent du Bénin, Haïti, aux États-Unis, parce que nous voyons effectivement qu'avec la traite de l'esclavagiste au XVIIe siècle, les gens ont été transportés là-bas, on a transporté avec la culture. Mm-hmm. Vous voyez effectivement le méfait qui est dans la tradition africaine aujourd'hui, ce n'est pas seulement cela. Les Africains ont aussi fait du mal au monde entier. Vous voyez donc que le vaudou a été importé aux États-Unis et ça a été mélangé comme ça, de la même façon que nous avons hérité les cultures également des États-Unis. Aujourd'hui, nous dénonçons le rap, les hip-hop et autres là-bas qui ont perverti la société africaine. Nous ne voyons pas que en toile de fond, les Africains ont également perverti le monde. Mm-hmm. Parce que toutes ces divinités-là sont sorties de l'Égypte ancienne et ainsi de suite, coulées jusqu'à dispenser maintenant dans le monde. Et maintenant, il y a le retour maintenant à l'envoyeur. Vous voyez, ça ressemble de couler maintenant, mais sous la forme moderne. Mm-hmm. Donc, dans le livre des Deutéronome chapitre 18, parce qu'il faut que les gens comprennent effectivement que Dieu interdit ces choses. Ah, d'accord. Parce que nous avons suivi dans cette extrait ce jour-là, ce type-là, il disait que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir ce qu'on construit les prophètes. Ce qui est déjà faux. Jésus n'avait pas dit qu'il est venu, n'est pas venu abolir ce qu'on construit les prophètes. Mm-hmm. Parce que plutôt, Jésus-Christ est venu accomplir ce qui était écrit de lui. D'accord. Puisque dans la Bible, il était question de l'adoration, les cultes d'adoration, comme Dieu l'avait programmé, mm-hmm. mais qui ne pouvait pas rendre parfait. Jésus-Christ est donc venu pour accomplir, pour montrer, pour rendre la chose parfaite, afin qu'on le cherche maintenant et qu'on l'adore en esprit et en vérité. Ah, ce qui veut dire donc que vous voyez effectivement comment les gens citent la Bible et ils disent Jésus-Christ n'est pas venu de détruire ce qu'on construit les prophètes. Or, ils disent comme ça en montrant les divinités, les fétiches, ce qu'on appelle les fétiches, en disant qu'il n'est pas venu détruire cela, ce qu'on construit les prophètes. Or, aucun prophète n'a construit des fétiches pour les juifs. Mm-hmm. Au contraire, les prophètes pêle-mêle dans la Bible dénoncent l'idolâtrie dont se livrait le peuple. Mm-hmm. Plusieurs fois, Dieu va appeler le jugement, que ce soit Jérémie Jérémie, c'est uniquement l'idolâtrie qui va amener le jugement sur le peuple. Parce que l'idolâtrie, c'est l'atteinte à la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu se donne comme un attribut des jaloux. Par conséquent, tout ce qui se livre à l'idolâtrie et en appelant cela, aujourd'hui on appelle ça de façon moderne, leur tradition, en disant que ce sont nos coutumes, c'est les coutumes ancestrales. On a même modernisé ces choses maintenant en utilisant la festivité à l'intérieur pour pouvoir amener quoi, le gouvernement et la cérémonie. D'où la venue des caméras et autres, des choses qui sont officialisées. Ce qui fait d'intérêt, c'est que les gens sont en train d'adorer les démons sans s'en rendre compte. C'est pour cela que je m'en vais dans la Bible pour lire un passage de la Bible qui va mettre des garde-fous et plus tard développer. Allez-y, juste je rappelle juste après, on aura l'espace pub. Notre traditionnel pause pub. 10 minutes, voilà. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9 dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Là, c'est terrible. Et Dieu, c'est Dieu qui a donné sa loi aux Juifs. Et il dit que, la dernière fois j'avais mentionné cela ici, que Dieu n'a pas donné aux Juifs pour que les Juifs choisissent ce qu'ils doivent faire. Ils devraient faire cela et montrer la nette différence entre ce qu'ils sont en train de faire, ce que Dieu a ordonné et ce que les peuples font. Et l'une des choses qui est révélée dans l'émission ici, c'est que en dehors des Juifs, personne ne servait Dieu. Ça, c'est aussi clair que possible. Parce qu'il faut que ce soit clair avant qu'on avance. Parce que nous avons rappelé, nous avons vu effectivement dans cette documentaire que ces garçons-là disaient que il y a connectivité, parce que le journaliste quoi, Philippe Chalier, lui aura demandé comment se fait qu'il y a la croix soit dans le bouteille. Il leur dit que c'est ça qui montre donc la main dans la main, que les dieux travaillent la main dans la main. Non, c'est l'œcuménisme. Les dieux œcuméniques, ce sont des dieux des différentes religions. Le dieu de la Bible est un dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire avec personne. Donc nous voyons effectivement que ces genre de choses poussent des gens à marcher. Je dis c'est l'œcuménisme, c'est ça qui montre effectivement que les gens qui s'asseyent quelque part et qu'il y a des différences entre leurs divinités, c'est uniquement des satanistes. Donc ces garçons a déclaré que les dieux marchent ensemble, mais le dieu de la Bible marche pas ensemble, c'est un dieu à part. De qui de Philippe Charnier. Charnier, justement. Donc, puisque dans cette interview là, ce garçon lui aurait dit que les dieux marchent ensemble, ils s'entraident entre eux. Ce qui est impossible. Absolument. Et voici ce que Dieu dit ici dans ce verset 9 de Deutéronome 18. Il dit: lorsque vous serez entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, vous n'apprendrez point à imiter les abominations de ces nations là. Les Juifs devaient chasser cette nation principalement, et qui de cette nation là, c'est ce qui veut faire que les gens comprennent que avant que les Juifs ne viennent sur le territoire, cette nation là avec une façon d'adorer qui n'était pas des dieux de la Bible. D'accord. Et par conséquent, donc Dieu mettait en garde Israël de ne pas suivre la pratique de ces nations. Ils devaient suivre une prescription à leur donnée par Dieu. Et Dieu leur a effectivement donné ces prescriptions qu'ils devaient suivre. Et si ces prescriptions ne sont pas suivies de cette façon-là, les sanctions y afférentes étaient aussi prescrites. Par conséquent, je veux donc que les gens comprennent qu'avant que l'évangile ne vienne à tout moment, à tout endroit, les gens servent les démons. D'accord. Même s'ils ont des résultats à leur prière, même s'ils ont des expériences spirituelles. Parce qu'il y a deux lieux célestes, le lieu céleste en Christ et Jésus, et le lieu céleste que Satan contrôle selon Éphésiens chapitre 2. Donc Dieu donc met en garde ici Israël de ne pas imiter les abominations de ces pays-là, de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien. D'accord. Et nous avons vu dans cette stèle de marché là, le gardien de la tradition qui a dit que les gens viennent consulter la divination. Ils ont même dit dans cette documentaire là que avant que Philippe Chalier ne vienne là-bas, ils ont invoqué la divination pour demander à cet esprit là si l'esprit peut accorder à ce qu'il vient. Et nous avons vu également dans cette même vidéo, dans cette même interview, il déclare que cette grande stèle, cette grande hôtel construit en plein marché d'Albomé là-bas, c'est ce qui protège tout le Dahomey. Vous voyez effectivement que donc les gens sont dans les ténèbres. Et il dit quand un esprit entre au Bénin, il passe d'abord par là pour que cet esprit-là donne son accord. Par la suite, il a développé son argument en disant que beaucoup de personnes, parce que le journaliste curieux leur a demandé qu'est-ce qui se trouve sous cette série, ceux qui ont tenté de creuser cela en son nom. Donc c'est effectivement un esprit démoniaque. D'accord. Le verset continue au verset 10 en disant qu'on ne trouve pas d'enchanté. Avant que vous ne poursuiviez, je préfère qu'on le garde, on mette en pause juste pour les 10 minutes à suivre qui sont consacrées à l'espace pub. Merci à vous, mesdames et messieurs, de patienter. Vous écoutez Dynamic FM. A tout de suite dans 10 minutes. Dynamic FM. Maintenant c'est la pause. On arrête tout et on écoute. Vous êtes sur Dynamic FM. Billy Cola, je suis d'avis que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir, ou vous êtes chrétien ou vous êtes mondain, c'est simple, vous devez choisir le temps. Suivre la parole de Dieu, la sainte doctrine, ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Dynamique FM. C'est Jésus le chef suprême de son royaume. Que la crainte de l'éternel soit. Voilà. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, je rappelle que vous êtes sur Dynamique FM, la fréquence est 103.9. L'émission, c'est que la crainte de l'éternel soit sur nous. Mon nom est Billy Cola. Nous avons ce soir Emmanuel Sim à la partie technique, hein, le chef. C'est le chef qui est venu ce soir, que Dieu le bénisse. Un chef très courtois, très loyal. Hein. Absolument, que le Seigneur le bénisse et que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il fait pour son le travail qu'il fait pour lui. Très rapproché, un chef très rapproché. Et très discret aussi. Sauf qu'il refuse qu'on le prenne dans l'eau. Non, mais je crois que le Seigneur fera son œuvre dans sa vie, comme il va faire dans toutes les vies, lorsque le moment est pour terre. Le frère Junior est notre invité constant et permanent. Nous, ce soir, donc, nous voyons comme thème la suite de ce qu'on a commencé la semaine dernière, qui est bien l'humanité face au vaudou et autres rites occulte dans le monde. Mesdames, messieurs, les contacts pour nous avoir sont les 6 71 34 54 14 et 6 91 60 02 84, 243 08 24 44 pour les appels directs ou encore les SMS. Si vous essayez un contact, ça ne passe pas, essayez un autre ou encore même vos SMS, envoyez-les. Mesdames, messieurs, on est ensemble jusqu'à 21h50, donc on fera tout pour que vous soyez satisfaits, hein, frère Junior. Oui. Et donc on va aller illico presto avec les questions. Oui. La semaine dernière, il y avait un tas de questions, on en a posé et vous avez répondu à une seule. Oui. Et donc on va poursuivre avec... J'espère que par la grâce de Dieu, nous en finirons ce soir. Donc je vais faire tout d'être bref, concis et précis. On a intérêt, hein, parce que je pense bien que la semaine prochaine, on fera tout pour parler des rites, des crimes rituels. Hein. Je suis à votre service. C'est un phénomène qui court aussi les rues, qui est très dramatique. Beaucoup de choses, quoi. Et on en parle par des tas. Et les gens meurent dehors, les gens sont innocemment tués et d'autres sont vendus comme ça, de façon discrète et sournoise. C'est quand même terrible, frère Junior. Vous restez avec votre enfant. À un moment, vous le fouillez, vous ne voyez pas, et puis on vous appelle que son corps est dans la tête. Son corps est mutilé. Et puis encore, des pasteurs sont impliqués dans ces choses-là, puisqu'il y a certains pasteurs et prophètes, même dans les pays étrangers et même dans notre propre pays, qu'on a arrêté avec des ossements humains, avec des parties, des corps humains. Et la dernière fois, on avait dit qu'il y avait 16 filles qu'on avait retrouvées mortes quelque part avec des parties spécifiques de leur corps enlevées. Ah, et puis on n'en fait pas partie, on ne fait pas de cas pour dénoncer et puis arrêter ces gens qui font cette pratique-là, parce que les gens qui sont au milieu de nous pour nous diriger savent de quoi il est question. On va donc donner rendez-vous aux auditeurs pour la semaine prochaine pour cette thématique. Hein. Oui. Donc, ce soir, on poursuit avec la suite de cette thématique qui traite du vaudou, qui est pratiqué beaucoup plus au Bénin. Et puis la tentacule s'est étendue jusqu'à Haïti et dans d'autres pays. Et souvenez-vous, ça se trouve au Cameroun, en plein au Cameroun. La question qui suit, c'est quelle peut être la conséquence de s'offrir les services des promoteurs de ces pratiques ou encore de s'offrir ces pratiques? Tout simplement, il faut qu'on comprenne que quel qu'en soit ce qu'on a fait sur le plan humain, si ce n'est pas régi par la parole de Dieu, si ce n'est pas dans la nomenclature des Écritures, des Saintes Écritures, notre âme est dans les mains du Satan. Mm-hmm. Souvenez-vous, j'aimerais que les auditeurs prennent particulièrement le livre de Jérémie au chapitre 7. Déjà, dans un Proverbe chapitre 10, verset 22 dit clairement que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. D'accord. Beaucoup de personnes citent ces versets sans comprendre l'implication qu'il en est. Ce verset veut dire la bénédiction qui ne vient pas de l'Éternel ne fait pas enrichir et ne fait suivre que des chagrins. D'accord. Donc, de façon grossière comme ça, les gens vont faire des rites, des rituels réussis, puisque nous voyons effectivement beaucoup de personnes qui réussissent dans la vie ici, beaucoup qui ont des grands immeubles, voyagent en première classe, dorment dans des grands hôtels, mais qui savent effectivement qu'ils ont participé avec le diable. Donc, ils leur donnent, parce qu'en réalité, Satan sait que c'est éphémère. D'accord. Mais ce qui est précieux, c'est pour ça que le Seigneur Jésus a posé une question. Et j'aimerais que chaque personne se la pose chaque fois lorsqu'il veut avancer pour faire quoi que ce soit dans leur vie. Mm-hmm. Que donnerait un homme en échange de son âme? D'accord. Ce que je veux dire par là, que l'âme n'a pas de prix. l'âme n'a pas de prix. Et c'est le prix. Et effectivement, les gens vendent leur âme au diable comme ça pour réussir. Mm-hmm. Pourtant, ces choses-là sont éphémères. Quand même, quelqu'un aura tout l'argent du monde, il ne pourra pas en être satisfait. Mm-hmm. Quand bien même quelqu'un va voyager dans tout le monde entier, voyager dans tous les avions, il ne sera pas satisfait. Vous voyez, effectivement, ça veut dire que l'âme de l'homme est insatiable. Il y a les désirs à l'intérieur qu'il faut remplir. Et ils ne savent pas qu'avec, en fait, cette soif-là, c'est pour chercher le Créateur. Mm-hmm. C'est pour ça qu'Éphésiens, quoi, Ecclésiens chapitre 3 dit clairement que dans au verset 11, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc, quand bien vous allez voir, effectivement, quand l'approche de ces personnes-là pour la fin de leur vie sur terre va arriver, ils vont commencer à penser, effectivement, comment ils vont faire pour s'en sortir. Mais le culte fait le temps qu'ils ne puissent pas revenir parce qu'ils ont signé le pacte avec le diable. Donc, pour répondre à votre question, tous ceux qui baptisent prennent des choses dans ce domaine-là, ou bien de près ou de loin, en s'approchant pour se prendre des services de ceux qui évoquent les esprits, ceux qui communiquent avec le monde, ceux qui font la divination. Il y a des gens qui font, nous parlons de cela, l'horoscope, ceux qui écoutent l'horoscope pour en satisfaire, pour dire l'horoscope, parce que c'est la divination là maintenant. L'astrologie est aussi. Toute personne qui s'y livre leur âme au diable. Le dit quoi, celui qui pratique l'horoscope n'est pas différent de celui qui va au village se faire. Exactement. Ce n'est que la. Quoi, je vous ai dit sur ces antennes que Satan a plusieurs compartiments. Donc vous choisissez seulement pour vous votre attribut et vous commencez à avancer. Ceux qui sont dans l'homosexualité sont chez Satan. Ceux qui sont dans la pédophilie sont chez Satan. Mm-hmm. Ceux qui sont dans la religion, dans la masturbation et autres, là, sont chez Satan. Donc c'est tellement plein. Chacun choisit son attribut et exerce. Donc nous ne pourrons pas dire que les marabouts sont chez Satan, mais les animistes ne sont pas chez Satan. Tous sont de chez Satan. Satan a diversifier la chose pour attraper le grand homme. Ah, et malheureusement, le grand homme ira de son côté. Ah, d'accord. Et donc, vous nous confirmez que toutes les personnes qui se livrent à l'horoscope... Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir le matin sans consulter l'horoscope. C'est quand même terrible comment l'être humain peut aller se livrer. La Bible déclare que maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Ah, d'accord. Il dit que confiez-vous à l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, verset 19, la Bible déclare que si l'on vous dit consulte le mort et ceux qui poussent le sifflement et ceux qui la divination, répondez que un homme ne considérera-t-il pas Dieu? Considérait-il Dieu, les morts en faveur des vivants? Comment les morts, il y a des gens qui prient pour les morts. Les gens invoquent les saints, invoquent les divinités étrangères pour dire que nos ancêtres, il faut que le Dieu de nos ancêtres nous protège, il faut que nos ancêtres veillent sur nous. Pourtant, c'est eux-là qui prient encore pour les morts dans certaines dénominations. Vous voyez vraiment que c'est un paradoxe. Satan les a vraiment embrouillés et ils ne peuvent même pas avoir le clair. Tout simplement parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. C'est parce que les gens vont là-bas, dans ce domaine-là, comme vous avez parlé de leur service, ils voient effectivement, c'est du tic au tac. Dans le reportage que nous avons suivi la dernière fois, nous avons entendu comment cet homme a dit, si vous avez une femme qui vous courtisez, ce qui est déjà un problème, vous courtisez et elle ne peut pas s'en soumettre, vous prenez cette portion avec telle autre portion qu'on vous donne, quand vous lui parlez, elle commence à vous suivre comme une bête, vous la mettez là à la poche. On a vu effectivement qu'ils ont parlé des fétiches pour envoûter également et vice versa par rapport à l'homme. D'accord. C'est pour ça que vous voyez ce désordre au Bénin, vous voyez effectivement comment la terre des Bénin, Dieu appelle le jugement sur le Bénin, Dieu appelle plusieurs fois, il ne pleut pas pour que ça sèche, pour qu'il comprenne que, parce qu'à tout bout de champ là-bas, vous voyez effectivement les divinités dessinées au mur avec des différents noms qui sont les dieux, et ils disent que c'est ça qui protège le village, pourtant c'est la malédiction. Que Dieu ouvre vraiment les oreilles des gens pour que les intercesseurs commencent pour le Bénin, tous les chrétiens qui sont au Bénin, pour qu'ils se lèvent contre cette divinité afin que ça mette la persécution, que ça renverse ces autres. Le malheur qui en découle, donc on peut s'en plaindre, c'est le fait que même les artistes chantent pour faire l'apologie du vaudou. Hein. En fait, des chanteuses comme Angé Kidjo, par exemple. En fait, vous voyez, effectivement, c'est sort de là. Il y a des gens qu'on ne peut pas reprocher cela parce que la majorité des gens sont nés dans le vaudou. Mm-hmm. C'est un peu comme les gens qui naissent dans l'islam. Vous voyez, les gens qui naissent dans la religion chrétienne, pourtant, c'est pas comme ça. La chose qui est différente des chrétiens par rapport à l'autre religion, c'est que dans la chrétienté, il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu et l'homme. Ah, il ne s'agit pas d'une cohabitation ou bien une association avec des quelques divinités ou avec quelques groupuscules particulièrement. Donc cette femme, Angélique Kidjo, elle est née à l'intérieur. C'est par conséquent, et c'est de là où elle a tiré son essence. Vous voyez, beaucoup d'autres missions, vous parlez d'Angélique Kidjo, beaucoup de missions ouest-africaines, camerounais même, consulte et demande même à consulter certaines personnes qui vont faire attention à ce que leur album puisse prospérer. Ah, d'accord, oui. C'est la prospérité. Non, c'est les gens de médias camerounais qui vont consulter le vaudou. Absolument. Tous ceux-là, donc, sont du diable. Ah, d'accord. Est-ce que quand vous avez évoqué le cas de l'horoscope qui est lié très, très, très proche même de ces pratiques occultes? Permettez-moi de vous dire une chose ici. Tous les journalistes qui se réunissent dans les maisons, dans les stations radio, la télévision, qui lisent seulement les communiqués des horoscopes, sont des évangiles de Satan. Ah, d'accord. Les stations radio, passez bien en fait. Hein. Passez bien effectivement, parce que nous servons Dieu. Dieu ne viendra pas sur ces antennes pour parler. Il utilisera l'homme de la même façon. Satan utilise les hommes de la même façon. Si sur ces antennes, même sur ces antennes, Dynamique FM, quelqu'un lit les communiqués des horoscopes, il est en train de servir le Satan. Ah, il faut dire, non, là, il ne blague pas. Il faut qu'on dise la vérité. Si vous lisez, il y a des gens qui achètent les presses uniquement parce qu'ils veulent lire lit les horoscopes. Et pour la petite histoire, j'ai grandi dans une maison où il y avait un monsieur qui, et c'était un Béninois parallèlement, c'était un Béninois qui vivait avec une femme, et cette femme était ma tante. J'ai remarqué que chaque matin, elle suivait les horoscopes. Et quand son signe, ça, je ne sais pas comment vous appelez cela, quand son signe n'était pas en accordance avec ses intérêts par rapport à ce jour-là, il pouvait s'habiller. Lorsqu'il entend que la journée sera mauvaise, ainsi de suite, il ne sort pas jusqu'à ce qu'il va se coucher comme s'il était malade. Mm-hmm. Vous voyez effectivement comment quelqu'un est captivé et il met sa vie entre les mains des esprits. Et la Bible parle des signes des zodiaques, qu'on ne doit pas se tourner vers ces choses-là. Et maintenant aussi, hein, est-ce qu'il y aurait aussi un lien entre ça et les jeux hasard ou... c'est exactement quel on se livre? La Bible dit clairement qu'on ne doit pas se livrer pour ces choses-là, pour tirer des pronostics. Donc tout ce qui... parce que le jeu des hasards, les chevaux, remarquez, vous touchez des choses. Je l'évoque en fait parce qu'on a aussi les téléphones. Oui. On nous propose des jeux dans des... Absolument, des jeux de hasard. Vous voyez, maintenant dans le pays, on a libéralisé tellement des choses de temps en temps qu'au fur et à mesure, la jeunesse est en train d'être spoliée. Nous avons initialement les courses de chevaux. Nous avons maintenant les courses de ballons. Vous voyez, les jeunes passent le temps dans des kiosques en cherchant à gagner leur vie. Au fur et à mesure, quand ils ne peuvent pas trouver de l'argent pour pouvoir valider, ils partent voler de l'argent. Vous voyez, des policiers, des gendarmes, des militaires qui, même dans leur service, des commissaires de police, sautent pour aller jouer à ces paris-là. Des courses de chevaux, ainsi de suite. Mm-hmm. Vous voyez comment tous sont liés. Mais quelqu'un qui travaille, c'est ça qui montre effectivement que l'homme est insatiable. Quelqu'un qui travaille comme commissaire de police, comme militaire, qui a des payes à la fin du mois, met de la cigarette dans la bouche, oublie la femme à la maison, cherche d'autres femmes dehors, boit de la bière avec de l'argent, gaspille, mais chaque fois vous les voyez au kiosque en tenue. C'est quand même terrible. Quand je passe là, je les vois, je dis, Seigneur, délivre-les. Parce que c'est la cupidité, la soif de posséder. Et vous voyez les jeunes au quartier qui, quand ils ont 200 francs CFA, 300 francs CFA, ils courent pour faire le pari sport. Et beaucoup en gagnent pour les préserver et les maintenir là-dedans. Vous voyez effectivement que la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine sont voués à l'échec si continuent dans cette voie-là. Bienvenue à vous et si vous venez de prendre l'émission en cours, je rappelle que vous écoutez Dynamic FM, la fréquence 63.9. L'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous de tous les vendredis 20h30, 21h50. Les contacts pour avoir accès à l'émission par appel direct ou encore par SMS sont les 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84, 243-08-24-44. Frère Junior, voici une question. Hein? Oui. Voilà. Une personne qui s'est livrée à ses pratiques avant sa conversion, hein? Oui. Conversion à Christ, oui. Devenu chrétien. Oui. Est-ce qu'il est automatiquement délivré ou il faut autre chose que la délivrance pour que la délivrance soit effective? Vous voyez, vous touchez un point sensible maintenant que même les chrétiens ne peuvent pas s'en sortir. Il y a malheureusement beaucoup de choses qui, les pierres d'achoppement pour les chrétiens dans leur marche et qui ne comprennent pas. Vous voyez, il y a ces enseignements qui sont venus du Nigeria et de l'Amérique particulièrement, qui enseignent que lorsque quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, parce qu'on a lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, mais la vie quotidienne, l'expérience quotidienne et réelle des chrétiens est tout autre. Par conséquent, prendre les livres de prière, réciter que je suis une nouvelle créature, c'est facile à le faire. Tout le monde peut le faire. Tel que c'est écrit dans la Bible, chacun peut citer. Satan peut lire cette Bible. Effectivement, il les lit. Et quand il arrive là-bas, Satan lit même ce verset, que c'est quelqu'un en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais ça ne fait pas que Satan soit en Christ. Ouais, la Bible a dit si quelqu'un est en Christ. La vraie question, c'est est-ce que cette personne est en Christ? On est véritablement en Christ lorsqu'on a été délivré de la puissance des ténèbres et on a été transporté. Ah, ou effectivement, qu'il y a une délivrance. Jésus qui a dit qu'il est venu libérer les captifs. Libérer, ça veut dire qu'on ouvre une prison, quelqu'un en sort. La question que je me pose, c'est lorsqu'on se livre à des pratiques que vous avez vues. Prenons par exemple un monsieur qui, comme celui de Philippe Gagné, qui allait se livrer, il a parlé de l'initiation jusqu'à la fin de l'initiation. On l'a enterré. Alors maintenant, on l'a enterré symboliquement. Mm-hmm. Vous pensez que, et les prédicateurs disent ces choses, qu'il suffit de répéter que Jésus vient dans mon cœur, prends-moi dans mon royaume, et ça se passe comme ça. Et c'est comme ça qu'on trompe les gens. Les gens commencent à marcher, et plus tard, 2-3 ans, les gens commencent à comprendre qu'ils tournent en rond dans le corps de Christ. Donc lorsque vous parlez de conversion, j'aimerais dire oui, à condition que ce soit la véritable conversion, la conversion authentique de la vie. Parce que si c'est la conviction telle que nous en voyons aujourd'hui, le changement d'opinion. Parce que le changement d'opinion n'amène pas le changement de la personnalité. D'accord. Parce qu'il s'agit de la transformation de l'homme intérieur. Mm-hmm. Si l'homme intérieur n'est pas transformé, alors la nature charnelle est astreinte à revenir à ce qu'il avait vomi. Mm-hmm. C'est pour ça que vous allez voir que les gens vont accepter, comme on vit aujourd'hui, on dit que les gens, quelqu'un, celui-ci a accepté Christ et plus tard se trouve dans le monde. Non, il n'avait pas accepté. Il avait été convaincu. Vous voyez que quelqu'un, parce que en fait, le Seigneur Jésus-Christ, il est la vérité. La vérité ne se trouve pas en un lieu. Vous voyez, quelqu'un dit, j'étais chrétien, non, mais je n'ai pas trouvé la vérité là-bas. Je suis allé chez les musulmans, maintenant je suis musulman. Vous voyez, j'étais pasteur, maintenant je suis musulman, je suis imam musulman parce que c'est dans l'islam que j'ai trouvé la vérité. Il cherche la vérité en un lieu, alors que la vérité est une personne. Donc je vais dire clairement que si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient, parce que Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. D'accord. Toute personne donc, qui se livre au vaudou, à la magie, n'importe quoi, au culte de la magie blanche, la magie noire, la franc-maçonnerie, tout autre, s'ils sont délivrés par le Seigneur Jésus-Christ, une autre personne prend possession de leur âme. Une autre personne se trouve dans leur âme. Et cette personne-là les emprisonne à son tour, de telle sorte que la personne ne peut plus rien faire de lui-même. Alors on dit donc qu'il est conduit par le Saint-Esprit, scellé par le Saint-Esprit. Donc il faut qu'on fasse attention entre. Il y a une nette différence entre la conversion authentique biblique, ce qui est biblique. Cette conversion est faite par le Saint-Esprit et par rapport à la conviction ecclésiastique et théologique qu'on a établie depuis le 18e siècle en amenant les gens. Par exemple, intellectuel. On a concordé de certains styles de prière pour sauver les gens. Les gens ne sont pas sauvés par la prière, on est sauvés par la puissance de la prédication de la vérité révélée dans l'évangile. La Bible déclare que Dieu a mis en exergue, en œuvre l'immortalité par l'évangile. La puissance de Dieu se trouve derrière l'évangile pour sauver. Il ne s'agit pas de répéter une prière pour être sauvé en disant que si vous avez fait cette prière, c'est qu'on mettez la main sur le cœur, levez-vous, donnez votre vie à Jésus et vous êtes sauvé. C'est du mensonge. Toute personne qui est en train de vivre cette vie-là et que vous dites, ils essaient de télévisé, ils marchent, ils reviennent, il faut qu'ils reviennent à l'ordre par rapport au point de départ, là où ils ont commencé. C'est là le vrai problème. Il est dit quelque part que le cerveau humain est capable d'enregistrer des messages et d'aller répéter ailleurs. Absolument. Quitte à ce qu'on croit qu'il est converti. Absolument. Puisque nous trouvons. Une fois ici, sur ces antennes, nous avons vu la venue d'un frère ici qui était dans l'homosexualité, qui accoutumait le monde de l'homosexualité. Nous avons vu que l'un des instigateurs qui le faisait était un ancien d'église et qui priait, il imposait les mains. Et qui prêchait. Et il citait effectivement comme ça avec la Bible. Ah, d'accord. C'est pour dire posséder une Bible n'est pas le problème. Ah, d'accord. Puisque Satan en possède. Satan instruit même les gens d'écrire la Bible. Satan instruit même les traducteurs. La majorité des traducteurs étaient gouvernés par Satan. La majorité des traducteurs de cette même Bible-ci. Mais ce qui sauve, ce n'est pas cette Bible-ci, c'est la parole de vérité. D'accord. C'est ça le vrai problème. C'est la parole de vérité qui sauve. Lire la Bible toute la journée ne ferait pas qu'on soit transformé de cette façon-là. Écouter la Bible audio ne ferait pas, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils mettent la Bible dans mon audio pour vous lire. Donc, donc on a quitté le cadre maintenant où les gens mettaient la Bible sous l'oreiller. Maintenant, on a mis ça maintenant dans la voix audio pour écouter. Oui. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas que ça reste dans la pensée. Il faut que ça descende sur le cœur. Et pour que ça descende sur le cœur, il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dit cette parole dans le cœur pour convertir les cœurs. Ah, d'accord. Une autre question. Hein. Je rappelle que vous avez la possibilité, mesdames, messieurs, à l'écoute de ce programme, de poser toutes vos questions par SMS ou encore par appel direct avant la fin de ce programme qui ira jusqu'à 21h54 au travers des contacts 671 34 54 14. 6 91 60 02 84 243 08 24 44. Pour ceux qui ont envoyé des messages, ils seront lus tout à l'heure. Oui. Autre question, ma frère Junior. Je suis à vous. Une personne qui marche désormais, qui désormais devient chrétien. Oui. Et se retrouve accusée d'avoir abandonné les pratiques occultes du village. Oui. Voilà, on a quelqu'un qui appelle au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, et il parvient à, dans la famille, on l'accuse d'abord. Voilà, vous savez, la Bible déclare dans le livre d'Ecclésias au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, alors cette chose-là n'est pas nouveau sur la terre. Dans cette Bible d'Ecclésias chapitre 1, vous voyez, si vous lisez le verset 11 et suivant, vous allez voir comment Dieu dit que si quelqu'un dit... Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, on vous écoute, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est le frère Patrice. Ah oui, on vous écoute, frère Patrice. D'accord. Je transmets également bonsoir pour le frère Junior, parce que déjà, tout ce qu'il dit nous va droit au cœur. Bon, ma préoccupation est la suivante. Oui, allez-y. Une question, je voudrais savoir si certaines parties que j'avais dénoncées tout à l'heure seront parties peut-être de... Bien. Je vais sur lequel vous débattez. Parce que je vais parler de moi-même. Mon papa faisait certaines pratiques lorsque, on peut dire, pendant les premières séances de Bakati, c'est son rôle. Et dans les 94, il allait en guerre. Et quand il allait en guerre, quand il revenait, en fait, selon certains témoignages, on me faisait comprendre que c'était pas tout petit, qu'il disparaît. Et avant que je suis parti en Guinée, par exemple, il avait certains rites, ouais, un peu qui faisait à la maison et tout et tout. Et également, pendant le mois de décembre, comme ça, les 24 décembre, tous les 24 décembre, avant le coucher du soleil, il fallait égorger Égorger, puis faire des sacrifices, soit un corps rouge, soit un corps blanc. Autant de pratiques. J'aimerais savoir, est-ce que c'est cela le rite du vaudou, par exemple, parce qu'il avait une très grande influence, malgré qu'il n'était pas pratique. Voyez un peu. Vous ne pouviez même pas le regarder en face, vous voyez un peu. Voilà, ma question, est-ce que ça faisait partie des rites du vaudou? Oui, il fait partie. Une question, hein? Oui. Oui, quelle était la manifestation sur le terrain quand il pratiquait ces choses? Quand il pratiquait ces choses, il avait certaines paroles. Il fallait qu'il prononce des paroles, ouais, un peu. Et il touchait ce corps sur tous les enfants. Il fallait qu'on se réunisse tout autour de lui et pas autour de lui. Ouais, un peu. Et il touche ça avec, je crois, avec du sang là, sur tous les enfants. Et une fois en guerre, qu'est-ce qui se passait une fois au champ de guerre? Oui, au champ de guerre, je recevais, c'est qu'il était toujours en tête. Et quand, par exemple, il avait 10, il était pas atteint par le balle. Il était pas atteint et son commandant de compagnie l'appelait tous les jours. Ah, il n'était pas atteint par les balles? Oui, il n'était pas atteint. Donc, on tirait sur lui, ça ne le touchait pas? Ça ne le touchait pas. Et son commandant l'appelait Double Lion. Double Lion. 12 Lions, pas Double Lion, 12 Lions. Ah, 12 Lions. On l'avait surnommé 12 Lions. Oui, et à un moment, je l'avais rencontré quand je l'avais surpris. Lorsque il posait ces choses-là, il y avait beaucoup de choses. Quand il a langué, il avait des choses qui étaient sur lui. C'était un bracelet, c'était une ceinture faite de matière artisanale et tout et tout. Ouais, un peu, il y avait certains qui il appelait 12 lions, il y avait certaines appellations, puis des objets, ouais, un peu des petits objets qui avaient tout autour de lui. Mais quand il allait, quand il y avait une manifestation, une circonstance où il fallait peut-être la présence, il se mettait dans toutes ces dispositions-là. Ouais, un peu. Ah ouais. Il s'arrange à quelque chose, s'arrange tout cela. Il est... Donc, en fait, vous dites... Oui, allez-y, frère Patrice. Oui. Personne ne me parlait, il me faisait comprendre que c'est ça qui le protégeait. Mais j'étais un peu étonné, étant tout petit, étant un peu étonné. Il était de quelle région du Cameroun? C'était de l'extrême nord. De l'extrême nord? Oui. Ah oui, maintenant une dernière question. Hein. Comment est-ce que ça s'est terminé pour lui? Après, il est tombé malade. Et à un moment, quand il est tombé malade, il nous faisait comprendre que certaines personnes venaient en groupe presque toutes les nuits. Mais des personnes qui lui se pouvaient voir. Ah. Nous pouvons être ensemble, nous le voyons, nous ne les voyons pas, mais il les voyait. Ah oui, physiquement, ouais, vous ne les voyez pas, mais lui, il les voit. Il les voit physiquement. Ah d'accord. Est-ce qu'il était déjà fatigué de toutes ces choses qui se garnissaient constamment là? Il les avait jetés tout cela. Il ne les avait pas brûlés, il les a jetés. Et après cela, donc, il y avait certaines manifestations à la maison. Il pourrait être comme ça à la maison, il parle de la maison. Et maintenant, quand ces personnes venaient le voir, quelle était la manifestation sur place, physiquement? Comment est-ce que votre papa réagissait physiquement? Il avait très peur. Ah d'accord. Il disait comment on vient de le prendre, il faut prendre l'aide, des trucs. Ah d'accord. Voilà. Ok, merci frère Patrice pour votre contribution et aussi préoccupation. Oui. Que je pense bien que le frère Junior nous donnera la suite à cela. Oui. Frère Junior, voilà écouter, encore une autre préoccupation qui nous ouvre la voie ici. J'en aurai à dire, je rappellerai plus tard. Ok, d'accord, merci frère Patrice de passer par ici. Waouh, puisse Dieu bénir tout son peuple et tous ceux qui écoutent cette émission et particulièrement Dynamique FM. Vous voyez effectivement comment le peuple, et c'est la fin de la vie de son papa, pour le cas de son papa, qui est véritablement à déplorer. Et puis, j'aimerais prendre cette fin de vie pour montrer aux gens que tous ceux-là qui se confient en Satan, qui se réfugie comme la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 30, qui mal à ceux qui vont en Égypte pour prendre la protection, mm-hmm. que la protection de Pharaon n'est que néant. Toutefois, quand la Bible parle de Pharaon, ça ne veut pas dire qu'Israël allait prendre la guerre, quoi, la protection de Pharaon en tant qu'armée. On parle de la puissance démoniaque sous Pharaon, et Pharaon incarne dans cette puissance-là. Donc, tous ceux-là qui vont se livrer à Satan, ils vont avoir de la bravoure, comme on a nommé 12 lions, il n'y a pas de problème. On va nommer tête de lion, cœur de lion, et pendant qu'on s'en est parlé, il dit son père était un soldat. Il allait à la presse, il est bacassé lorsqu'il y avait conflit ici. Et de l'autre côté, vous voyez effectivement le Nigeria aussi a beaucoup de ces choses-là. Dans l'armée nigérienne, particulièrement la police nigérienne, il y a ce qu'on appelle là-bas Mobile Police, il y a un groupe de marabouts qu'on a recrutés qui sont des policiers. Parce qu'en réalité, ils vont en découdre au Nigeria, c'est grave avec les bandits qui font ces pratiques-là. Mm-hmm. Ils appellent là-bas gunproof, gun charm. Donc quand vous tirez sur eux, ça n'entre pas. Par conséquent, l'État nigérien a dû faire venir dans la police et dans la, c'était terrible, dans le corps de l'armée, des marabouts aussi. Donc vous voyez les marabouts qui portent la tenue, qui sont là, ils sont spécialisés à détecter les faiblesses des balles, pour comment faire pour entrer la balle dans la vie des bandits. D'accord. Parce que les bandits là-bas avaient tellement tenaillé la police, ils ne savaient plus dans quelle sauce se manger. Et il y a dans l'état de d'Akwa Ibom, tout ici en bordure du Cameroun, avec aux environs de Calabar, des groupes ethniques qui bagarraient jusqu'à ce qu'ils... Ils ont pris des armes, les policiers sont venus, les policiers ont tiré, les gaz lacrymogènes, le gaz lacrymogène sont calés en plein air comme ça là. Tout le monde voyait suspendre en l'air. Les villageois étaient tellement agacés, ils ont dit aux policiers, au gouvernement nigérien, si vous voulez que cette affaire, si ça s'arrête, laissez-nous bagarrer pour au moins 3 jours. Ah, d'accord. Le gouvernement nigérien était vraiment embarrassé, on a laissé les populations bagarrer ainsi. Et vous voyez effectivement comment, d'un autre côté, on sacrifiait les vierges, de l'autre côté, on sacrifiait les albinos. Et le combat était tellement rude, chaque camp bombardé, ça n'entrait pas. Il dit, c'est terrible au Nigeria que vous voyez là. C'est pour dire que ces choses-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des choses, quand nous parlions, ceux qui ont vécu autant de maquisards dans ce pays-ci, connaissent bien cette histoire-ci, des chèques, ceux qu'on venait chercher dans les champs, ils se transformaient en caféiers, ils se transformaient en mouches, ainsi de suite. Ce sont des choses réelles. C'est pour vous montrer que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde régi par des gouvernements spirituels stériles. La Bible déclare que le monde actuel est sous la puissance de Satan. Donc, les gens comme son papa sont encore en plein dans l'équipe de l'armée camerounaise. C'est seulement qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire sur les antennes, je vous le dis. Sa préoccupation, en fait, c'était pour savoir si c'est une pratique vaudou Le vaudou est une connotation d'un aspect des rites diaboliques. Ah, d'accord. Je dis le vaudou. Par exemple, chez les Bafoussam, je crois que c'est Bafoussam, on appelle il y a le Lakam. Ah oui. Chez les Fumban, on parle, il y a le Ngon, quelque chose. Il y a aussi le Nyan-Nyan. Le Nyan-Nyan. Voilà des initiations terribles. Donc, tous les. Le Congo, par exemple. Le quoi, Frébé? Le Congo, par exemple. Bon, le Congo. Je ne sais plus. Ah, mais madame, voilà. Tous ces noms dont nous parlons sur ces antennes, ce sont les noms qu'on va parler des rites traditionnels. Vous voyez, maintenant, la différence avec ça et le vaudou, c'est que le vaudou a été culturalisé et a été internationalisé. C'est en scène que ce sont des choses qui invitent même des peuples orientés, occidentaux et le monde entier à y participer. J'ai dit, c'est l'aspect culturel qu'on a mis et l'aspect international qu'on a mis, fait écran et par derrière les groupuscules, les esprits travaillent dans le monde des ténèbres. Donc, pour le cas de son père, ce n'est pas cela, ce sont les gris, exactement comme on a vu, mais dans un aspect de vaudou, parce que dans le vaudou également, on fait ces choses-là. Ah, d'accord. Vous remarquez qu'il y a des pasteurs qui vont. Ça dépend. Il dit bien, dans le reportage que nous avons suivi, nous avons vu qu'il y a des milliers de charmes. Ils appelaient ça charme de fétiche. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous allez là-bas, vous allez avoir. Ah, d'accord. Si vous voulez les femmes, vous allez là-bas, vous allez avoir. Si vous voulez les hommes, que votre mari. Au Bénin et en Côte d'Ivoire particulièrement, il y a des gens qu'on a arrêtés qui étaient collés en flagrant de lit d'adultère, qui étaient collés sur les femmes. Et cette chose-là, ça sortait des vaudous. C'est-à-dire que c'est un remède qu'on fait sur votre épouse. Dans le vaudou, par exemple. Si votre femme vous trompe, la personne cale sur votre femme. Vous voyez, donc ces catégories. Frère Junior. Oui. Voilà, on a évoqué un petit peu en introduction le cas des crimes rituels. Oui. Est-ce que ces crimes rituels, quelque part, c'est pour aboutir à ces pratique-là? En fait, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, à pêle-mêle dans la Bible parle toujours de sacrifier le fils à Moloch. Et Dieu avait interdit clairement cela dans le livre des Sous. Permettez-je vous lever. Allez-y, frère Junior, un temps soit peu. Hein. Oui. Mesdames, messieurs, vous qui êtes à l'écoute et voulez participer à l'émission, faites-nous donc parvenir vos préoccupations par appel direct ou encore par SMS au travers du 6-71-34-54-14, 6-91-60-02-84, 243 08 24 44. On est ensemble jusqu'à 21h50. Frère, je vais aller. Lévitique chapitre 18, le verset 21 dit: tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Ah d'accord. Donc Dieu a interdit clairement, et quand on voit comme ça, on a comme l'impression qu'on livrait, on passait l'enfant, on sacrifiait véritablement, parce que ce Moloch là, ce qu'on appelle Adramelech, était une divinité sous forme de cheveux, de bœuf, avec la forme de bœuf, avec la main tendue, dont la sculpture était avec la forme humaine, mais la tête avec le bœuf. Il était surchauffé, il était enseigné qu'on mettait les enfants vivants dans ce feu là et ça brûlait. Ah d'accord. Et c'était des pratiques terribles pratiquées par les Cananéens, les Phénéciens, et petit à petit, je dis, comme nous parlons de crimes rituels, ça se passe aujourd'hui même encore. Quoi, dans notre tradition, il y a cela quelques années ici, on parlait des albinos comme étant des gens à tuer. Vous remarquez, dans certaines parties du pays, on ne fait pas cas de ces albinos là. Ils n'en font pas parce que quand ils sont nés, ils sont sacrifiés. Dans des parties africaines ici, il y a des gens qui sont tués. Il y a des parties où s'il y a des enfants qui sont nés en jumeaux, l'un est tué automatiquement. Mais ces pratiques là, puisque le gouvernement et les lois sur place parlent de meurtre, on le fait maintenant désormais en cachette. Voilà. Puis encore, il y a des cultes, les gens, des lieux de culte qui sacrifient des bébés, dont les gens ont construit le lieu de culte avec des bébés là-dessous, d'autres avec des nombreux des enfants. Donc c'est terrible seulement avec ces cultes. Donc des choses que des gens faisaient dans l'Antiquité qui sont revenus. Puisque la Bible déclare que d'autres non. Plus la Bible déclare, comme je citais dans ce livre d'Ecclésiaste là, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ah, d'accord. Si la Bible dit que si quelqu'un dit qu'il y a quelque chose de nouveau, ça se passait dans le passé. Permettez-moi de prendre deux rois. Mesdames, messieurs, faites l'émission avec nous. Hein. On attend vos appels ou encore SMS au travers des 671 34 54 14 6 92 60 02 84. Pour vous qui avez envoyé des messages, on a encore quelqu'un à lire. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est encore le frère Patrice. Ah oui, on vous écoute, frère Patrice. D'accord. Tout à l'heure, lorsque j'ai écouté le frère Junior, il parlait des albinos. Je voudrais apporter mon point de vue. Oui, en allez-y. Fait, vous savez quoi? Oui, allez-y. Dans le nord Cameroun, par exemple, le nord Cameroun en général, c'est très difficile de voir des albinos. Vous voyez un peu, uh-huh. Et surtout beaucoup plus chez les musulmans. Pourquoi? Vous pas d'albinos. Pourquoi? Prenez la peine, c'est très très rare. Pourquoi? C'est difficile pour un. Parce que, en fait, eux, ils trouvent qu'un albinos est. L'albinos, c'est la malchance. L'albinos, ils ne prennent pas un albinos comme un être humain. Et qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il si un musulman fait un enfant et il sort albinos? Pardon? Qu'arrive-t-il chez les musulmans dans le Grand Nord et au-delà si il accouche des enfants et que l'enfant est albinos? Qu'est-ce qu'il arrive à cet enfant, généralement? Je ne sais pas. En fait, quand l'enfant naît albinos, on ne voit plus l'enfant. Donc, on ne voit plus l'enfant. Non, mais, pas que dis-nous, est-ce qu'on envoie l'enfant à la Mex? Dis-nous où passe l'enfant? Soit il cache l'enfant, soit je ne sais pas. C'est une question que je me suis toujours posée. Où sont les enfants albinos musulmans? Ah d'accord. Voilà. Frère Patrice, merci beaucoup pour votre participation. D'accord, pas de quoi. Frère Junior, est-ce que c'est très grave? C'est très grave. Et c'est ce qui révèle. Regardez, je vous lance le défi de trouver un musulman qui est albinos. Deux Rois chapitre 17. Deux Rois chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 29 et puis nous allons voir la similitude avec ce que nous avons vu comme dans notre cas d'étude depuis deux semaines maintenant, le cas d'évolution. Suivons attentivement. Deux Rois chapitre 17, verset 29 et suivant disent: mais les nations firent chacune leur Dieu. Nous parlons de la Samarie, c'est lorsque le peuple assyrien avait amené, on avait amené les Juifs en captivité et le roi avait déporté les Assyriens et les mettre dans le territoire juif. Ah, ce qui fait que le peuple juif avait été déporté de leur pays. Et par conséquent, il y avait le lieu d'invocation du nom de l'Éternel là-bas. Maintenant, quand le peuple juif avait été amené en captivité, le peuple assyrien sont venus donc dans le territoire juif. Et ils mélangeaient donc ce qu'on appelle donc aujourd'hui le communisme, c'est le syncrétisme. Ils mélangeaient leur culture, ils sont venus de leur nation avec leur Dieu, trouver le Dieu des Juifs là-bas. Donc ils faisaient en même temps la loi pour l'adoration des dieux des Juifs et ils faisaient aussi leur adoration. Donc c'est la suite ici là, maintenant. Mais les nations firent chacune leur Dieu. Donc chaque nation a son Dieu. Ah, ça? J'aimerais bien savoir quel est le Dieu du Cameroun. La Bible déclare: dans les villes qu'elles habitaient et elles plaçaient dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Vous voyez, les hauts lieux. Dans ce documentaire, nous avons vu le haut lieu où on dit qu'au Bénin, c'est là où les ancêtres de Vaudou, les puissants de Vaudou se trouvent. Ah, d'accord. La Bible déclare, verset 30, les gens de Babylone firent Sukkot-Béroth. Donc vous voyez effectivement le nom, Sukkot-Béroth, c'est le nom d'une divinité babylonienne. Les gens de Côte firent Nergal. Enfin, j'ai dit, ces dieux-là, ces divinités ont pris de nouveaux noms aujourd'hui. D'accord. Parce qu'en réalité, la Bible déclare, la Bible pose la question, une nation change-t-elle son Dieu? Donc le Dieu des nations ne peut pas changer. D'accord. Si une nation est quelque part, ça ne peut pas changer. Si on avait le temps, on entrerait dans le livre de Daniel, chapitre 6 pour lui, Cyrus et autres là-bas. Les gens de Kut firent Nergal, les gens de Hamat firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibshak, et Tartak. Donc, voici une nation qui avait deux dieux. Ceux de Shevaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramalek. Ce Adramalek, c'est ce qu'on avait lu dans Lévitique, chapitre 18, verset 21, aujourd'hui, qu'on appelait Moloch. Mm-hmm. Et Anamalek, dieu Sepharim. Verset 32, écoutez très attentivement. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se donnaient des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, verset 33, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Donc, vous voyez, tout à l'heure, il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que vous pouvez voir aujourd'hui, les gens disent, nous sommes les Bamlékés, nous gardons notre tradition, mais nous allons à l'église. Ils servent, ils veulent servir Dieu et en même temps, ils servir les nations. Et par conséquent, qu'est-ce que la Bible déclare, verset 34? Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance, ni à la loi et au commandement prescrit par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'ils appellent du nom d'Israël. Mm-hmm. Bon, par conséquent, ceux qui servent dans le coutume, ceux qui servent dans le ngondo, le ngon, le fin, le n'importe quoi, vous avez appelé le kungon, à l'ouest par exemple, tous ceux qui servent là et qui vont, et beaucoup. Paradoxalement, beaucoup sont des anciens des églises. Beaucoup sont même. Il y a des pasteurs qui sont des modérateurs, des chefs coutumiers au village. Il y a des pasteurs qui sont des notables au village. C'est grave. Il leur faut la délivrance. Des pasteurs des églises réveillées. Des pasteurs. Mais quand même, c'est quand même terrible. Donc la Bible déclare ici qu'ils ne servent ni leur Dieu, ni le Dieu de la Bible. Où se trouvent-ils? Donc ils sont en même temps infidèles chez Satan, en même temps infidèles chez Dieu. Je crois que c'est terrible. Ça, clairement. C'est un rire. Qu'est-ce qui peut expliquer? C'est Satan qui embrouille les gens parce qu'en fait, ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu n'es pas avec Dieu. D'accord. Si tu es avec Dieu, tu dois suivre cette trace. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc tous ceux-là qui sont là, ils m'écoutent maintenant, les prêtres, qui vont dans les cimetières, vont faire le culte des morts, prient pour les morts et mettent les encens sur eux, priant pour les morts, en prenant même les offrandes à l'issue de la cérémonie mortuaire, des pasteurs qui vont au village, de ceux qui ont pris. Il y a des pasteurs qui sont des notables qui utilisent la puissance satanique pour venir dans l'église, pour venir travailler. Ah d'accord. Et il va dire qu'il faut faire la part des choses quand il est pasteur, d'autres quand il est notable. Ce n'est pas possible d'essayer de revêtir de la puissance satanique et laisser à un moment donné pour revêtir la puissance satanique. Je vous rappeler un peu parce que lorsqu'on a écouté le reportage de ce Philippe Charnier sur le vaudou, oui. Il y avait à l'intérieur évoqué la personne qui le conduisait, en fait, mentionnait le nom des dieux, des dieux. Ville. Effectivement. C'est un petit peu ce qu'on a vu ici dans cette passage. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, et c'est la Bible ne peut pas mentir. La Bible dit clairement dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible déclare qu'ils observent encore ces mêmes coutumes aujourd'hui. Donc l'Éternel avait fait alliance avec les Juifs en disant que tu serviras. Dieu est un Dieu exclusif. Il est un Dieu jaloux. On ne le collabore pas avec quelqu'un. Il dit en dehors de lui. Pelle-mère dans Ésaïe, il a dit qu'en dehors de lui, il n'y a personne. Et à côté de lui, il n'y a personne. Aujourd'hui, parmi les chrétiens, il y a des gens qui ont trois dieux. Vous voyez? Donc, en fait, il faut qu'on se réveille tout simplement. Les nations, toutes les nations, en dehors de Jésus-Christ, toute forme de culture, de coutumes qu'on respecte, on sait le diable. Ah, d'accord. Donc, si quelqu'un m'écoute maintenant, il se prépare pour célébrer le ngondo ou n'importe quoi, dans tout le monde entier, quel que soit l'endroit. Malgré, j'ai dit, c'est l'aspect culturel qu'ils mettent devant. Comme les jeux au hasard. Mais derrière, aussi, les jeux de hasard. En fait, les démons sont derrière. Les cartes, par exemple. Tout cela, ils servent Satan. La ligne des mains, par exemple. C'est clairement écrit. La ligne des mains, c'est de la divination. Il y a les tarots, la numérologie, ainsi de suite, l'astrologie. Tout ça, c'est les démons. Et donc, on poursuit avec notre questionnaire. Hein. Je suis à vous, frère. Et donc, la question, je ne sais pas si vous avez répondu. Vous aviez fini de répondre à la question. Elle était. Une personne qui décide de marcher désormais selon la parole de Dieu et oui. Se retrouve accusée d'avoir abandonné ses coutumes. Ah, celle-là, je n'avais pas répondu. Du village, voilà donc. Oui. Doit-elle, sous quelque influence que ce soit, retourner dans ses pratiques? Bon, vous voyez, la façon que vous avez posé la question pose problème. Parce que vous avez dit, c'est une personne qui a décidé de marcher avec Dieu. Mm-hmm. Si c'est lui qui décide de marcher avec Dieu, il se pourrait qu'il change d'opinion. Mais si c'est Dieu qui a décidé que cette personne marche avec lui, il ne peut pas changer d'opinion. Ah, parce que Dieu change son opinion dès le départ. Ah, d'accord. C'est pour cela que lorsqu'on a frappé les disciples, vous remarquez très bien, lorsqu'on a frappé les disciples, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, on leur a interdit de ne pas prêcher en ce nom. Ils ont dit, nous ne pourrons pas parler, ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Là, c'était irrévocable. Pourtant, c'est ces mêmes apôtres, lorsqu'on voulait tuer le Seigneur Jésus-Christ dans le jardin, ils fuyaient. Mais maintenant, ils avaient vu Jésus-Christ mort, ressuscité. Maintenant, ils pouvaient prêcher parce que la puissance du Saint-Esprit leur avait été accordée. Donc, si quelqu'un quitte, parce qu'il, comme tout à l'heure, nous avons parlé de l'affinité et la transformation ecclésiastique et conviction, il se pourrait que sa conviction change. Parce que si tu as une conviction qui a changé d'une certaine façon, ça peut encore changer une deuxième fois. Mais si Christ ressuscité se présente à vous, vous n'avez plus le choix. Très rapidement, une question d'un auditeur qui n'a même pas signé, malheureusement. Hein, oui. Mais on va quand même la poser. Nous sommes là pour les servir. Qu'est-ce que le vaudou c'est la question qu'il pose dans le SMS. Le vaudou, comme on a vu là-bas, c'est les divinités. C'est le nom d'une divinité que les ancêtres africains servent depuis. En réalité, le vaudou vient depuis l'Égypte. si on trace ses racines, on va trouver que l'issue de ça, c'est de Babylone. Parce que la Bible déclare que c'est de Babylone que toutes ces choses, le peuple a été enivré. Voilà. Donc c'est de Babylone que cela est allé à la ramification après la ramification. C'est pour ça que vous allez voir que toutes les coutumes qui se trouvent dans la Bible se trouvent dans différentes cultures, dans le monde entier. Parce que c'est le même démon qui inspire ces choses-là partout. Autre question avant la fin, comment doit réagir le chrétien s'il venait à être invité à assister à l'une de ces pratiques? En fait, c'est une communion avec des démons. L'apôtre Paul a dit, on ne peut plus clair dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8. Il a dit clairement que je ne veux pas que vous preniez pas, que vous ayez pas de communion avec des démons. Pas qu'il y ait la nourriture qu'on sacrifie et quoi que ce soit, mais il y a la communion avec le démon. Parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, le frère Patrick a dit clairement que lorsque son père faisait ces pratiques-là, les rituels, il tuait tantôt le corps et le poule et il mettait le sang sur eux pour faire alliance. Parce qu'ils ont fait alliance avec le sang pour que toute la génération soit sous la conduite de cet esprit. Ah, donc, vous voyez, si ces personnes sont invitées, les questions aujourd'hui des chrétiens me fatiguent. Au lieu de poser des questions, comment faire pour connaître jusqu'à davantage, on a de voir comment on va aller dans cette festivité. Pourquoi ne pas chercher la raison? Si vous cherchez la raison avec le Seigneur, vous n'avez pas le temps pour ces choses-là. Parce que l'heure est arrivée, la nuit est avancée, qu'il faut chercher davantage le Seigneur. Autre question, on a un enfant qui est converti à Christ et qui se voit obligé, contraint par ses parents à s'adonner à ses pratiques. Comment est-ce que l'enfant doit réagir? Parce que la Bible dit d'honorer les parents. Oui, remarquez très bien, la Bible déclare d'honorer les parents. Ce n'est pas tout simplement ce que la Bible déclare. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, là, il dit que enfant, obéissons à vos parents, virgule, selon le Seigneur. Ah, d'accord. Donc, il y a une prescription qui a été donnée là-bas, selon le Seigneur. Si la prescription, c'est un peu comme par rapport à le respect de l'autorité. Vous voyez effectivement que les Juifs connaissaient bien ce qu'est l'autorité. Lorsque l'apôtre Pierre, Jean et autres, dans Actes chapitre 4, au verset 19 et suivant, ont été invités à ne pas prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était le conflit de l'autorité ici. Mm-hmm. Le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit d'aller prêcher. Les anges sont venus les délivrer en disant allez prêcher ces paroles de cette vie-ci. Et on les a mis en prison. Les anges sont venus les délivrer d'aller prêcher. Pourtant, l'autorité établie par Dieu disait de ne pas prêcher. Ils ont dit nous ne pouvons pas parler, jugez dans vous-même s'il faut obéir à l'homme qu'à Dieu. Donc, lorsque l'autorité est conflictuée par rapport à la parole de Dieu, celui qui connaît Dieu doit prendre position pour Dieu. Ah, nous avons vu pêle-mêle là, nous avons vu Abel Mego Shadrach, lorsqu'on a fait la statue de dehors de Nabucodonosor en disant que tout le monde doit adorer, ils ont dit non, pas adorer cela. Nous sommes dans ton royaume, nous sommes dans ton territoire, mais nous n'avons pas adoré. Alors on a dit qu'on va les jeter dans le feu. Ils ont dit, même si notre Dieu, écoutez, c'est terrible là, comme déclaration, même si notre Dieu ne nous délivre, et s'il ne nous délivre pas, nous n'adorons pas quand même ton Dieu. Quelle parole? La Bible déclare dans au chapitre 11 des Deutéronome de Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc tous les chrétiens, ceux qui sont véritablement, authentiquement convertis, agissent avec fermeté, ne se compromettent sur aucun lieu. J'ai une brève question aussi par SMS. Comment suivre Jésus-Christ? Comment suivre Jésus-Christ? Il faut laisser qui vous appelle dès le départ. Ah d'accord. Sinon voilà. Vous n'allez pas le suivre. Vous allez suivre beaucoup de voies en dehors de Jésus. Une autre question annexée à ce que vous venez de répondre sur l'enfant. Là, ce soir là vraiment, nous sommes assaillis là. Oui. Les femmes également, qui sont mariées et que le mari n'est pas converti et qui contraint la femme à s'adonner à ses pratiques. Oui. Comment est-ce qu'elle doit réagir? La Bible est-ce la même chose avec La Bible déclare que la femme doit se soumettre à son mari en toutes choses. Remarquez bien, la Bible a mis là en toutes choses. Mais je dis encore une fois de plus, ça me pose le problème de conversion au milieu chrétien aujourd'hui. Si quelqu'un, écoutez très attentivement, si quelqu'un est converti, on ne peut plus le reconvertir. C'est pas possible. Parce que si quelqu'un a déjà le Saint-Esprit habitant en lui, on ne peut plus l'enlever. On peut l'attrister, mais on ne peut plus l'enlever parce qu'il est scellé pour l'éternité. Donc, une personne qui est convertie par le Saint-Esprit se laissera conduire par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit travaillera dans lui, au-delà de lui, avec son entourage, particulièrement les femmes. Voilà pourquoi la Bible demande aux femmes là d'être dans le silence, d'être calme, d'être soumise, même si le mari n'honore pas Dieu, même si le mari ne croit pas la parole, afin qu'il soit gagné. Mais combien de femmes peuvent rester en silence? Ces maris dont vous parlez, beaucoup ne sont même pas des satanistes. Beaucoup ne sont même pas. Beaucoup veulent faire. J'en ai rencontré des tas. Vous voyez, un mari fait comme ça parce qu'il sait que la Bible dit telle chose, il essaie d'éviter les femmes pour les pousser seulement à bout parce que les femmes prêchent, enfin disent des choses mais ne vivent pas. La Bible demande à la femme d'être soumise, mais quand un mari va dire 1, elle va dire 800. Ah. Vous comprenez effectivement que le mari, hein. c'est compliqué. Il faut que le démon des femmes soit d'abord chassé pour qu'il soit véritablement converti. Une autre, voilà, ici maintenant c'est un SMS. Un SMS, on n'a plus que je crois 7 minutes avant la fin de ce programme. On va donc profiter pour lire ces SMS. Bonsoir pasteur, priez Dieu pour moi afin que les paroles du refus du mariage que ma mère a prononcé sur moi me quittent et que je trouve mon mari au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Marie qui envoie les SMS. Mais là, elle a déjà prié. Donc, j'ai pris de prière à donner. Elle a prié, elle a scellé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui suis-je encore pour dire quoi que ce soit? Mais je vais lui dire clairement qu'elle se soumette au Seigneur. Elle a déjà fait la prière et j'ai dit amen à sa prière. Voilà. On a encore une série de questions, mais je crois qu'on n'aura pas assez de temps pour ça, mais je vais quand même essayer. Hein. Oui. Lorsqu'un parent exerce l'art divinatoire et que son enfant est chrétien, quelle doit être son attitude vis-à-vis de ceux qui l'accusent de ne pas respecter ses parents lorsque ceux-ci demandent à l'enfant de participer à leurs pratiques et que l'enfant refuse? Vous voyez, dans notre société, particulièrement la société africaine, on a un choix à suivre. aujourd'hui, on essaie de comprendre parce qu'on est devenu le chrétien laxiste, le chrétien dormant. Remarquez, si vous lisez juste chapitre 6, vous allez voir effectivement quand Dieu s'est révélé à Gédéon, il a dit d'aller ôter, d'aller détruire le pied sacré de son père, détruire l'écran de son père et autres choses là qui étaient dans le culte de père. Et par la suite, les gens vont demander que qui a fait ces choses-là. Ils vont dire que c'est l'enfant de Baal, c'est le fils d'Edbal. Qu'on va dire, ok, maintenant dans ce cas, appelez-le ici là. Ils ont commencé à appuyer la population, le parent va dire, ok, si c'est toi qui as fait cela, pourquoi donc vous voulez vous défendre Dieu? Si il est Dieu, si Baal est Dieu, qui c'est l'air pour se défendre? Vous voyez, les traditions africaines, les traditions que nous respectons, que nous appelons aujourd'hui les coutumes, sont là pour maintenir les gens dans la captivité. Donc, pour que quelqu'un soit chrétien, ça me pose encore le problème de conversion des chrétiens. Un chrétien, c'est celui-là qui tient fin pour la vérité. Pourquoi donc il va rester sur place si ça ne va pas qu'il sorte de la maison et qu'il s'en aille? Parce que sa vie en dépend. Sa vie en dépend. Mais s'il va demeurer là-bas, s'il dit, Seigneur, je sors pour toi, parce que la Bible déclare que dans une maison, 5 seront dans une maison, 3 contre 2, 2 contre 3. Le Seigneur qui est venu mettre la division dans la maison. Donc, effectivement, si les gens croient dans la maison, il y aura des divisions, il y aura des mésententes. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit, d'une part, qu'obéissez à votre parent, et par la suite, honorez votre parent, et il dit ici que je suis venu, non, dans ce Matthieu chapitre 10, qu'il est venu sur la terre pour jeter un feu. Il ne s'agit pas de mettre la paix, mais l'épée. Entre la belle-mère et la belle-fille, ça suppose qu'il y aura de l'antagonisme lorsque quelqu'un croira en lui et l'autre ne croira pas. Il faut prendre position pour la vérité. Mais il a dit que si quelqu'un me rejette, donc je vais le rejeter. Vous voyez, effectivement, donc les gens doivent prendre position en ces temps-ci pour se laisser suivre, pour laisser que le Seigneur Jésus les conduise. Si ce n'est pas le Seigneur qui conduit et que c'est un groupe qui le conduit, ils vont fuir dans ce groupe-là. Frère, on est arrivé à la fin de cette deuxième partie de l'émission sur. Je crois qu'il y avait quelques questions encore là. Oui, on avait une dernière question. Voilà, comment on doit réagir là? Bon, en fait, c'est vrai que normalement, on avait répondu à la question. Comment doit-on se comporter face à un parent qui exerce un tel métier? Voilà, c'est l'enfant qui demande. La Bible déclare clairement qu'on ne trouve point chez toi ces personnes qui livrent à l'art divinatoire. Mm-hmm. Donc, il a deux choix. Soit il reste là-bas, il est coupable devant Dieu, soit il quitte la maison. Vous nous serez utile la semaine prochaine quand on parlera des crimes rituels. Si le Seigneur le permet. Voilà, donc au gré de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on s'est dit, de tout ce que vous avez dit, est-ce que vous avez donc un dernier mot ou un conseil ou bien un message pour toutes ces personnes qui non seulement pratiquent, mais qui ont aussi été victimes de ces pratiques? Je sais que beaucoup de personnes ici sont sous le joug des traditions. Beaucoup de personnes ont grandi là-dedans. Je ne les plains pas. Mais ce que je vais dire, c'est que tous ceux-là donc, qui ont été maintenus dans la captivité de longtemps, tous ceux que vous avez cités ici, ces antennes, vous avez cité le cas des danses traditionnelles dans le cas de Bamileke, il y a des traditions d'Alongon, des traditions musulmanes et autres là. Tous ceux-là qui ont grandi là-dedans, je les soumets tout simplement sous la volonté de Dieu, que Dieu agisse à leur égard selon ce qu'il a prévu pour eux. Donc tous ceux qui se livrent dans ces coutumes-là, puisse Dieu utiliser de ses grâces. Mais j'aimerais dire aux gens de réfléchir pas deux fois parce que leur âme en dépend. Il faut qu'ils réfléchissent clairement parce qu'il y a des philosophies qu'on utilise aujourd'hui en disant que avant que la Bible ne vienne, on servait les dieux, les parents de Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu et qu'ils prennent le temps de lire la Bible, Éphésiens chapitre 2. Si une nourriture vient de là ou encore un habit qui vient de là, est-ce qu'on peut le porter? La nourriture, c'est pas eux qui ont fait la nourriture. Mais il faut faire attention si quelqu'un n'est pas grand spirituellement, qu'il faut qu'il sache à quoi s'attendre. Parce qu'il y a aussi les funérailles qu'on a oublié de mentionner. Dans la deuxième partie dans la prochaine émission, il faut que nous commençons par là, par ces funérailles effectivement, pour toucher encore certains cadres là-dessus. Parce que il faut qu'on enseigne les chrétiens. Est-ce mauvais d'aller, je parle de ce qui suit l'enterrement. Hein. Ce qui suit l'enterrement, les parents meurent par exemple, oui. Et on revient longtemps après, des années après. C'est satanique, c'est le culte des morts. C'est pour ça qu'il faut on va voir cela dans la Bible, l'originalité, l'origine de cela. Et voir comment ça a progressé. Plus on va voir maintenant comment les chrétiens doivent réagir pas à pas. Réunion, merci à vous. Hein. Que le Seigneur vous bénisse, tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui ont participé à ce programme et merci surtout de patienter pour la semaine prochaine. On touchera à cet effet donc les crimes rituels dans notre société pour annexer à cette thématique qu'on a traitée depuis la semaine dernière. Ça fera donc l'acte 3 de cette thématique. Mesdames, messieurs, merci et rendez-vous vendredi prochain. 20h30 sur Dynamic FM. Emmanuel Sima a assuré la partie technique, mon chef. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous.